Oui, allô? Oui, Alain, c'est John. Je te passe monsieur Marc qui affiche 166. C'est un monsieur de 27 ans qui a de la fièvre et qui a mal à la gorge depuis 2 jours. Tu vas l'avoir en ligne. D'accord. Allô, monsieur? Bonjour, voilà, c'est le médecin du centre 15, là. Donc vous avez 27 ans, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Bonjour, docteur. Voilà, j'ai mal à la gorge et à la tête. Et j'ai de la fièvre. D'accord. Vous avez mal au dos aussi? Oui, j'ai mal au dos, aux bras et aux jambes. Vous pouvez vous lever? Non, docteur. Je suis malade. Je suis au lit. Qui peut aller à la pharmacie pour vous? Des voisins, peut-être. Vous pouvez leur demander. Je vais demander à ma femme. Je lui envoie un message. Il faut quel médicament, docteur? Alors, dites-moi votre poids et votre taille, s'il vous plaît. Vous pesez combien? Vous mesurez combien? Je pèse 82 kilos et je mesure 1,75 m. Alors, il faut de l'aspirine 500. Vous prenez 3 comprimés par jour pendant 3 jours. Si ça continue, vous appelez votre médecin et vous lui expliquez votre problème. D'accord. Merci, docteur.